maman. Et si déménager, ça provoquait des... Yes! Yes! Yes! Wouhou! On a gagné! On a gagné! 1000 euros, bébé! 1000 euros! Non! Et oui, en ce moment, c'est carton gagnant avec EDF. Jusqu'au 19 juin, il y a 20 déménagements d'une valeur de 1000 euros à gagner pour toute souscription d'un contrat d'énergie. Pas mal, non? Yes! Appelez vite le 3004. Service et appel gratuit, voire conditions sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Et si je n'en faisais qu'à ma tête? Et si j'étais le héros, l'héroïne de ma propre existence? Et si je ne comptais que sur ma propre raison? Et si je refusais d'être aidée et de venir en aide à quiconque? Et si je faisais le choix de l'égoïsme? Et si j'avais le bonheur pour seule éthique de vie, son accomplissement productif pour seule occupation et comme occupation la plus noble? Eh bien, si je faisais tout ça, vous savez quoi, peut-être serais-je détestée, mais je n'aurais fait que suivre, ni plus ni moins, les grandes lignes de la philosophie de Ayn Rand. Je pense que c'est horrible de voir la destruction tout autour de nous, et nous allons vers la catastrophe, jusqu'à et à moins que le concept d'État-providence soit renversé et rejeté. C'est précisément cette tendance qui mène le monde au désastre. Parce que nous nous dirigeons vers un collectivisme et socialisme total. Un système où tout le monde est l'esclave de tout le monde. Vous n'avez aucun droit de dire à un homme qui produit de la richesse de quelle façon vous voulez qu'il la dépense. Si vous voulez son argent, vous ne pourrez l'obtenir que par son consentement volontaire. La bonne volonté n'est pas nécessaire, seulement l'intérêt personnel. Je crois en des routes privées, des postes privés, des écoles privées. Bonjour Alain Laurent. Bonjour. Vous êtes philosophe, essayiste, directeur de collection aux belles lettres. Vous avez écrit une biographie de Ayn Rand, dont on vient d'entendre la voix et dont nous allons parler durant l'heure qui vient. Ayn Rand ou la passion de l'égoïsme rationnel, c'est paru aux éditions Les Belles Lettres en 2011. Puis vous avez aussi publié un recueil de textes d'elle, Une philosophie pour vivre sur la terre, qui est aussi paru aux éditions Belles Lettres en 2020, juste avant le confinement. Alors voilà, on a choisi dans cette semaine sur les libertariens de consacrer une émission à Ayn Rand. Et qu'est-ce que je découvre en préparant l'émission? Qu'elle-même ne se décrit pas comme libertarienne. Alors, est-ce qu'on s'est trompé d'émission? Est-ce qu'on s'est trompé de semaine? Non, mais ça vient de, comment dire, du sens très large que le mot libertarian a aux États-Unis. Alors, il y a les libertarians au sens large, c'est-à-dire tous ceux qu'avant on pouvait qualifier de classical liberalism, c'est-à-dire des libéraux classiques. Alors là, ils figurent aux côtés de Hayek, de Mises, de Friedman, qui ne sont pas spécialement d'ailleurs des libertariens. Et puis, il y a un autre sens à libertarian qui peut se rapprocher de l'anarcho-capitalisme, par exemple, où on est beaucoup plus hostile à l'État, où pratiquement on prêche l'instauration d'une sorte de régime du tout privé. Voyez-vous. Ce qu'on a entendu d'ailleurs dans l'archive. Donc, Ayn Rand est plutôt une libertarienne au premier sens, et le paradoxe, c'est qu'elle détestait les libertariens au deuxième sens, qu'elle qualifiait de zombies, de hippies dégénérés, etc. Mais pourtant, dans l'archive qu'on vient d'entendre, Alain Laurent, donc c'était donc la voix de Ayn Rand, très bien doublée par Manon de la Salle. Donc cette archive du 25 février 1959, on entend quand même Ayn Rand nous dire qu'elle ne croit qu'en des routes privées, des postes privés, des écoles privées. C'est bien le second sens du libertarianisme. Non, parce que ça s'accompagne d'une adhésion à ce qu'on appellerait en France le régalien. Donc c'est une personne qui est tout à fait partisan d'un État minimal fort qui s'occupe de ce qu'on appelle plutôt aux États-Unis le gouvernement, et par exemple qui s'occupe de la justice, de l'armée, de la police, etc. Et elle y tient beaucoup. C'est pourquoi d'ailleurs elle est honnie par un certain nombre de libertariens de tendance beaucoup plus anarcho-libertaire. Et donc cette idée qu'elle a du privé, qu'est-ce qu'elle entend par privé alors en fait dans cette archive? C'est juste le fait que tout ce qui relève des droits individuels relève du privé, c'est ça? Le privé, c'est-à-dire que l'une de ses idées fortes, c'est la séparation de l'État et de l'économie. Donc il y a bien un État chez Ayn Rand, mais il ne s'occupe absolument pas d'économie, et puisque l'État ne s'occupe pas d'économie, ça renvoie à la sphère privée. Donc la sphère privée, c'est à la fois tout ce qui concerne l'existence personnelle des individus, mais également leur coopération, leur concurrence dans le domaine de l'économie. Il n'y a pas de régulation de la part de l'État. Alors là, on parle d'Ayn Rand comme si c'était une figure très connue. Son nom, c'est vrai, circule pas mal quand même, mais c'est pas non plus une grande un grand nom de la philosophie. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est justifié de consacrer une émission à elle ? Alors peut-être dans une semaine sur le libertarianisme, mais déjà une émission sur cette philosophe qu'on a tendance plutôt à disqualifier justement comme philosophe. Oui, alors elle s'est toujours voulu, et de plus en plus au cours de sa vie, être une philosophe. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle était étudiante à Saint-Pétersbourg, donc en Russie, dans les années 1915-1916, peu avant la Révolution, qui a fait donc un cursus de philosophie, c'est là qu'elle a connu et commencé à apprécier Aristote, entre autres. Et la ligne de force qui traverse son existence, c'est en effet de défendre une certaine conception, justement, de la vie, de la vie personnelle. C'est ce qui est illustré dans ses premiers romans. Et à un moment donné, elle comprend que elle ne dispose pas de base suffisamment forte pour justifier, pour étayer son propos. Par exemple, son propos essentiel, c'était vivre pour soi. Mais sur quoi s'appuyer pour le justifier ? Et à ce moment-là, elle fait un retour, si l'on peut dire, aux sources, aux fondamentaux et à la philosophie. Et c'est là qu'elle rencontre à nouveau Aristote et qu'elle reconstruit, et qu'elle construit plus exactement son propre système philosophique. Ce qu'elle a appelé par la suite l'objectivisme, dont les deux principaux traits sont, d'une part, le réalisme, reconnaître l'existence de la réalité, et le rationalisme, l'être humain ne peut survivre, se développer, s'épanouir que grâce à la raison. Donc Ayn Rand n'est pas seulement une figure libertarienne malgré elle, ou une figure sulfureuse, subversive, parce qu'il faut quand même le dire, elle est mal vue, elle a quelque chose, enfin c'est une peau de vache. Donc voilà, elle a quand même un sacré personnage. Donc elle n'est pas que ça. Elle n'est pas non plus qu'une lecture un petit peu de jeunesse d'un certain nombre de figures intellectuelles aux États-Unis qui se seraient fait peur à lire Ayn Rand. Elle a véritablement une philosophie, et c'est ce que vous voulez défendre, vous, Alain Laurent. Absolument. Le paradoxe, c'est qu'elle n'a pas commencé comme philosophe. Hein. Alors c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle est arrivée en 1923 aux États-Unis, a commencé à faire tous les métiers, ce qui est tout à fait typiquement américain. Ensuite, elle s'est essayée au cinéma, elle a écrit des scénarios, des choses comme ça. Et puis enfin, c'était son grand objectif, écrire des romans. Et il y avait une pensée implicite qu'elle défendait dans ses romans, peut-être sans en être tout à fait consciente. Et lorsqu'elle eut publié, par exemple, Nous les vivants, mais surtout après The Fountainhead, la source vive, elle a compris. D'ailleurs, ce sont des lecteurs qui lui écrivaient, qui lui demandaient, mais quelles sont les bases de la pensée que vous êtes en train d'illustrer ? Alors, elle a voulu en faire beaucoup plus, c'est ce qu'elle a fait avec son deuxième très grand roman, Attachfeuille, la traduction en français c'est La Grève, dans lequel il y a un morceau de bravoure, c'est presque un livre dans le livre, presque une centaine de pages, où elle expose en effet les principes fondamentaux de sa philosophie. Mais elle a pris plusieurs années pour revenir aux sources, comme je le disais, essayer de savoir à partir de quoi je peux tout refonder. Et bien justement, on va écouter un extrait de La Grève, donc son grand roman. Alors il y en a eu un autre avant, c'est quand même La Source Vive, mais quand même La Grève, best-seller aux États-Unis, qui a changé la vie d'un certain nombre de ses lecteurs, soi-disant le plus lu après la Bible. Donc Ayn Rand, La Grève, on écoute tout de suite un extrait interprété par François Raison. Au nom de ce qu'il y a de meilleur en vous, ne sacrifiez pas ce monde à ceux qui en sont la lie. Au nom des valeurs qui vous maintiennent en vie, ne laissez pas votre vision de l'homme se corrompre au contact de la laideur, de la lâcheté, de la stupidité de ceux qui n'ont jamais mérité le nom d'homme. Ne perdez pas de vue que ce qui caractérise un homme digne de ce nom, c'est la droiture, un esprit intransigeant et l'inlassable désir de progresser. Ne laissez pas disparaître le héros qui est en vous, par frustration de n'avoir jamais pu vivre la vie que vous méritiez. Assurez-vous de la route à suivre et de la bataille à mener. Le monde auquel vous aspiriez existe. Il est réel, il est possible, il est à vous. Mais le gagner exige de rompre avec le passé et de rejeter le dogme selon lequel l'homme est un animal sacrificiel dont l'existence est vouée au plaisir des autres. Luttez pour affirmer votre valeur. Luttez pour revendiquer votre fierté. Luttez pour la suprématie de l'esprit rationnel, l'essence même de l'homme. Luttez sans faiblir avec la certitude radieuse que votre morale est une éthique de vie, que votre combat est celui de tout accomplissement, de toute valeur, de toute grandeur, de tout bien, de toute joie qui ait jamais existé sur cette terre. Vous gagnerez le jour où vous serez prêt à prononcer le serment que j'ai prêté moi-même au début de mon combat. Et pour ceux qui aspirent au jour de mon retour, je vais maintenant le répéter au monde entier. Je jure, sur ma vie et l'amour que j'ai pour elle, de ne jamais vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre pour moi. C'était donc un extrait de La Grève de Ayn Rand, la troisième partie, A et A. Alors il faut dire d'ailleurs que cette troisième partie s'intitule en référant justement à la logique d'Aristote. Elle y fait un certain nombre de clins d'œil. Donc dans ce roman où sont effectivement déjà lisibles les grandes lignes de sa pensée philosophique, même si elle ne l'a pas encore formalisée. Donc on a entendu l'individu héroïque, l'antisacrifice, l'esprit rationnel et l'éthique de vie. Et puis quand même, cette phrase pour conclure, Alain Laurent, « Je jure sur ma vie et l'amour que j'ai pour elle de ne jamais vivre pour les autres, ni demander aux autres de vivre pour moi. » Comment une telle phrase a-t-elle une portée philosophique ou peut-elle prendre en tout cas une dimension philosophique ? Alors, en arrière-plan, il y a ce que Ayn Rand illustrait, défendait depuis assez longtemps dans ses premiers romans, le fait que l'être humain est voué à vivre pour lui-même, vivre pour soi. J'observe d'ailleurs tout de suite que vivre pour soi ne veut nullement dire ne vivre que pour soi, mais vivre pour soi. Il n'y a pas de raison de s'effacer, de renoncer à ses prétentions, par exemple, au bonheur ou à l'accomplissement de sa propre personne. Donc c'est ça la ligne directrice. Rien ne doit empêcher un individu. Elle ne dit même pas de s'épanouir, mais vraiment le self-fulfilling, c'est l'accomplissement. Et on s'accomplit en réalisant un certain nombre de choses. Donc tout ce qui fait obstacle à cela est quelque chose qui est à écarter. Bien. Mais ça peut être tout autant des contraintes matérielles, économiques, de milieu, d'origine sociale, culturelle. Oui, alors ça vient surtout des rapports avec les autres, surtout si ces rapports sont institutionnels, par exemple par l'intermédiaire du gouvernement ou de l'État ou d'autres forces. Mais ça peut être aussi dans la relation purement personnelle. Et quelque chose aussi qui est une des grandes motivations de la pensée d'Ayn Rand, c'est le refus de ce qu'elle appelle le sacrificiel. On ne doit pas, et donc ça transparaît très bien dans la dernière phrase prononcée par John Gould, je ne veux pas vivre pour les autres, mais je ne demande pas non plus aux autres de vivre pour moi. Ce qui n'exclut absolument pas le fait de vivre en bonne intelligence avec eux. L'idée maîtresse d'Ayn Rand, par ailleurs, sur ce plan-là, c'est celui du respect mutuel de l'indépendance de chacun, et sur cette base, la coopération volontaire. Mais surtout pas imposé. On choisit avec qui on veut coopérer pour réaliser telle ou telle chose. Voilà. Mais pourquoi a-t-elle développé cette philosophie, une telle philosophie à ce moment-là ? Est-ce que c'est parce qu'elle-même, alors désolé de rabattre ça sur le biographique, peut-être que c'est pas la bonne méthode, mais pourquoi tout à coup envisager que l'État est forcément un intervenant intrusif ? Est-ce que c'est l'époque qui voulait ça, parce qu'il y avait l'époque du communisme, du collectivisme, ou est-ce que c'est véritablement elle, dans son parcours, qui a émigré de la Russie, enfin de l'URSS aux États-Unis, qui a rencontré ça sur ce base et a l'impression de s'être une self-made woman, vous voyez ? Ben, c'est les deux, mon général, comme on dit. D'une part, il y a la personnalité même d'Enron, une forte personnalité qui s'affirmait dès l'enfance. Alors, elle tenait un diary, une sorte de petit journal intime, dans lequel, à l'âge de 12 ans, elle dit « Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus croire en Dieu ». Et dans le contexte de l'époque, et même sa famille qui était juive, etc., c'était vraiment quelque chose de parfaitement insurrectionnel. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a donc cette personnalité fortement affirmée. Et puis en effet, il y a le contexte, enfin deux contextes. Le premier contexte, c'est qu'elle a donc grandi, enfant, adolescente, jeune femme, étudiante donc à l'université de Saint-Pétersbourg, dans un contexte où on sort à peine de la tyrannie tsariste pour retomber dans celle du communisme. Donc elle a connu l'État soviétique naissant, le collectivisme, et elle en a retiré à jamais une allergie viscérale totale. Et lorsqu'elle est migrée aux États-Unis, elle arrive au moment où il y a la naissance du welfare state, de l'État-providence, qui lui-même est extrêmement intrusif, interventionniste. Et donc, ça la renforce dans l'idée qu'en effet, l'État sort tout à fait de sa destination propre naturelle, si je puis dire, qui est celle de protéger la liberté des individus, ce qu'elle trouve, donc c'est l'héritage des pères fondateurs aux États-Unis, et par conséquent, s'il y a des gens d'ailleurs qu'elle admire beaucoup, ce sont les Founding Fathers, les pères fondateurs de la Constitution américaine, Jefferson, etc. Et elle voudrait qu'on en revienne à ça, parce que c'était des gens qui garantissaient, grâce à un État minimal, la sécurité et la prospérité des individus, mais qui ne se mêlaient pas donc de leur vie, des relations qu'ils avaient avec les autres. Voilà, donc c'est quelqu'un de ce point de vue-là, presque de très traditionnel, de très classique, avec ce renvoi toujours au père fondateur de la démocratie américaine. Sauf qu'à ce moment-là, lorsqu'elle écrit en particulier La Grève, et même avant avec Nous les Vivants et aussi la Source Vive, elle estime que cet héritage des pères fondateurs est menacé, terriblement menacé, aux États-Unis. Voilà le contexte. Donc, c'est bien la rencontre d'une personnalité très affirmée qui veut vivre pour elle-même, qui décide de tout par elle-même et pour elle-même, et d'autre part, de ce contexte que je viens de rappeler à très grands traits. Et ce que va faire Ayn Rand, effectivement, c'est qu'elle ne va pas se contenter de déplorer la perte ou la menace de la philosophie des pères fondateurs. Elle va, comme vous l'avez dit, Alain Laurent, construire une véritable philosophie, mais pas seulement une philosophie politique, mais une métaphysique, une logique. Et elle va accorder un très grand rôle à la raison. On va tout de suite écouter une archive d'elle où, justement, elle développe ce rôle qu'elle donne à la raison. Ma morale est basée sur la vie de l'homme en tant qu'étalon de valeur. Et puisque l'esprit de l'homme est son moyen de survie fondamental, je soutiens que si l'homme veut vivre sur Terre et vivre en tant qu'être humain, il doit tenir la raison pour un absolu. Je veux dire par là qu'il doit considérer la raison comme son seul guide d'action et qu'il doit vivre selon le jugement de son propre esprit, que son but le plus élevé est la réalisation de son propre bonheur et qu'il ne doit pas forcer les autres ni accepter que les autres le forcent, que chaque homme doit vivre comme une fin en soi et suivre son propre intérêt personnel, rationnel. Alors quand on écoute la voix de Ayn Rand, donc toujours une archive de 1959, tout paraît extrêmement limpide, Alain Laurent. Effectivement, pour s'en sortir, le meilleur moyen est encore d'en faire appel à sa raison. C'est-à-dire, elle le dit très bien, c'est un moyen de survie. Mais est-ce qu'elle ne confond pas quand même raison et volonté ? Non. Alors, la justification de la raison chez Ayn Rand repose sur deux bases. D'une part, c'est une vision générale de ce qui a permis justement à l'espèce humaine de survivre, de se développer, c'est la référence à la raison. Une raison qu'il faut entendre non pas dans une façon pure coupée de la réalité, parce que le principal intérêt de la raison, ce qu'elle doit faire, c'est reconnaître l'existence du réel, essayer d'en comprendre les lois qui le gouvernent. Donc il y a ça. Et puis la deuxième justification derrière ça, plus au niveau donc de ce qui se passe dans un individu, c'est que seule la raison peut protéger l'individu d'être emporté par l'instinct, par les pulsions, par les caprices. Tout cela, c'est quelque chose de terriblement destructeur, et on ne peut parvenir à rien. C'est ce qu'elle appelle, et c'est ce qui donne naissance à ce qu'elle appelait par ailleurs, qu'elle a toujours combattu, le mysticisme. Donc le mysticisme égare l'être humain, le fait sortir de la réalité, ne lui permet pas de maîtriser heureusement la réalité, et seule la raison, en effet, sur ce double plan de l'humanité d'une part et de chaque individu en particulier est quelque chose qui s'impose absolument. Mais quand même, le fait de parler de raison plus que de volonté ancre Ayn Rand du côté plus d'une métaphysique. Elle va plus être du côté d'une philosophie métaphysique qu'une d'une côté du philosophie de l'action, vous voyez. Parce qu'en fait, survivre, bien agir, la volonté en fait peut agir de manière droite. On n'a pas forcément besoin de faire appel à la raison. Donc on peut éduquer sa volonté. Donc si elle utilise quand même cette notion de raison, c'est pas par hasard, j'imagine. C'est qu'il y a véritablement quelque chose, soit l'idée de vouloir justifier, de donner une assise conceptuelle forte à sa théorie, soit parce que effectivement la raison jusque-là n'avait pas été vue comme un moyen d'action, mais juste comme une réflexion un petit peu abstraite. Tout à fait. Elle donne une exception à raison qui est tout à fait... qui repose sur une profonde sensibilité, mais la sensibilité éduquée justement par la rationalité. Elle distingue d'ailleurs la rationalité de la raison. La rationalité, c'est la raison en acte. Et cette raison, il lui a donc l'être humain ne peut en tant qu'individu, en effet, ne peut s'accomplir que s'il fait librement, sans qu'on le lui impose, usage de cette raison. À la fois au sens du réalisme, reconnaître la réalité, mais également au sens de la logique. Et c'est ce qu'elle va donc emprunter à Aristote avec, par exemple, le principe de non-contradiction, ce qu'elle rebaptise le principe d'identité. Et de cela, elle déduit pas mal de conséquences. Par exemple, de ce principe d'identité, elle déduit ce qu'elle appelle le principe de causalité, qui est beaucoup plus, en effet, la raison en action. Alors, le principe de causalité, souvent, on le traduit en disant il n'y a pas toute cause entraîne des effets. Oui. Elle prend le problème à l'envers, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet sans cause. Et pour s'accomplir, soit individuellement, soit collectivement, l'être humain, en effet, doit partir de ce qui permet d'obtenir tel ou tel effet. D'où l'intérêt chez Ayn Rand de ce qu'elle appelle la productivité, qu'il ne faut pas du tout prendre au sens entrepreneurial actuel. La productivité, c'est la capacité d'un être humain à prendre des initiatives, à générer un certain nombre d'effets qui sont efficaces, à la fois dans ce qu'il se propose de réaliser lui-même, mais également sur le plan de la coopération volontaire entre les êtres humains. Donc elle va déduire d'Aristote, si je vous suis bien, Alain Laurent, Ayn Rand va déduire d'Aristote ce principe à la fois de logique, de causalité, mais aussi donc de morale. D'ailleurs, dans l'archive qu'on a entendu, elle commence l'archive ainsi, my morality. Donc ça veut bien dire, en fait, ma morale va se baser sur une philosophie de la logique, de la métaphysique, de laquelle je vais déduire le fait que chaque action doit être à tout prix justifiée par un certain nombre de moyens. En fait, c'est la fin justifie les moyens, c'est ça. Si vous le voulez, mais ce qui est certain, c'est que elle avait une sorte d'éthique ou de morale, je ne dirais pas implicite parce qu'elle s'explicitait tout de même, mais dont les fondements n'étaient pas tellement assurés. Et sous la pression de ses lecteurs, surtout lorsqu'elle eut publié, alors d'abord La Source Vive et ensuite La Grève. Donc en 1957. Il faut que je revienne en effet à quelque chose de beaucoup plus fondamental, faut que je trouve une justification. Alors elle dit quelque chose qui va faire frémir peut-être plus un dans l'auditoire. Il faut que je donne une justification morale au capitalisme, par exemple. Mais il faut également que je donne une justification morale au fait que l'on doive vivre pour soi, sous réserve en effet de respecter le même droit chez les autres. Alors, Donc elle procède à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas qu'elle a trouvé chez Aristote un moyen de développer sa pensée. C'est qu'en fait, elle a une pensée, et puis elle se dit, bon, pour qu'elle soit valable, quand même, il faut que je trouve... Absolument. À un moment donné, elle s'est dit, ce que je pense manque de fondement. Mm. Je ne peux pas l'argumenter, et il faut que je l'argumente davantage. Donc le retour aux sources et aux fondamentaux s'effectue, alors, par l'intermédiaire de ce qu'elle appelle une métaphysique, avec un sens tout à fait curieux, d'ailleurs, qu'elle donne au sens métaphysique. Pour elle, métaphysique, ça veut dire tout ce qui est vraiment essentiel dans le rapport à la réalité. Et pas du tout métaphysique au sens, justement, où ça irait au-delà du monde physique. Pour Ayn Rand, n'existe que le monde physique. Il faut se souvenir de ce que je rappelais tout à l'heure. C'est une athée, et par conséquent, quelqu'un qui refuse ce qu'elle appelle le mysticisme. Donc, à partir de cela, elle cherche une base qui soit, on pourrait presque dire, fondationniste, le fondement rationnel de tout, dont, et vous aviez raison tout à l'heure d'employer le mot déduction, donc du métaphysique et du cognitif également, c'est une des premières personnes qui a attaché la plus grande valeur au cognitif. Comment l'être humain, comment l'esprit humain doit-il s'y prendre pour arriver à comprendre le réel, et donne une grande importance à tout ce qui est au concept, à la conceptualisation sans laquelle rien n'est possible. Et de cela, en effet, elle déduit une éthique, donc comme je le dis souvent, de l'épistémologie, je conclue, à l'éthique, et ensuite à une politique. Donc ce qu'elle avait posé au départ de l'éthique et de la politique lui semblait devoir être davantage fondé, presque une démarche cartésienne, revenir à quelque chose de fondamental, et donc elle montre ensuite que tout ça peut se et doit se déduire. Mais alors, ce qui est fou, c'est que Ayn Rand ne prend pas n'importe quel concept. On l'a dit, elle prend quand même la raison, donc c'est quand même massif pour justifier. C'est-à-dire que c'est presque... C'est-à-dire que pour contrer la théorie de Ayn Rand, c'est extrêmement difficile, puisque comme elle prend la raison et qu'elle en fait une valeur absolue, et qu'il est difficile de dire que la raison raisonne mal... c'est difficile en fait, du coup, de la. Elle a choisi, disons, l'argument le plus redoutable, l'arme la plus redoutable pour pouvoir la contrer. Et puis en plus, j'ajoute quand même Alain Laurent qu'elle a appelé sa philosophie l'objectivisme, ce qui veut quand même dire qu'elle prétend être à la tête d'une théorie qui est objective et qui prétend en fait dévoiler l'objectivité des choses grâce à la raison. Donc elle s'impose elle-même en fait comme elle se dit maîtresse du jeu. On peut pas la contredire. Oui, alors sur ce plan-là, d'ailleurs, c'est un argument qu'elle a utilisé. Ceux qui me contestent utilisent eux-mêmes leur raison. Par conséquent, oui, en effet, ils reconnaissent le bien fondé de ma position. Alors, par ailleurs, j'y avais insisté déjà tout à l'heure, c'est pas du tout la raison pure, c'est une raison non seulement pratique, mais une raison qui se concilie avec une démarche empirique. Ça, tout tourne autour de la reconnaissance de la réalité. C'est ça dont tout doit procéder et sans lequel rien n'est possible. Alors qu'elle se retrouve maîtresse du jeu, bien entendu, et elle l'a souligné en se demandant comment je vais baptiser ma philosophie. À un moment donné, elle avait songé à la baptiser comme l'existence existe, la réalité est indépendante de l'esprit. Ça aussi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Tout se tient dans l'esprit humain, mais l'esprit humain ne peut s'accomplir, ne peut arriver à quoi que ce soit sans, au départ, se soumettre à la réalité. La réalité existe et elle est indépendante de l'esprit qui doit la reconnaître. Voilà le point de départ de tout. Si on reconnaît la réalité pour ce qu'elle est et qu'on accepte qu'elle est indépendante de notre esprit, que l'esprit donc doit entreprendre de la connaître, à ce moment-là, en effet, on a une démarche objectiviste. C'est on reconnaît objectivement quelque chose et par suite, on comprend que l'une des choses que Ayn Rand combat avec le plus de vigueur, c'est ce qu'elle appelle également le subjectivisme. Le subjectivisme, c'est le fait que l'esprit humain se clôt sur lui-même et est emporté par les pulsions, les caprices, les émotions, etc. Mais enfin, quand même, en misant sur l'individu et sa raison, même raison pratique, même raison empirique, elle prend quand même le risque que l'individu pense mal. On peut mal raisonner, on peut mal agir, on peut mal... Si vous me dites que, selon Ayn Rand, il y a la réalité et de l'autre l'individu, et que l'individu ne peut pas, son esprit ne peut pas vivre indépendamment, en fait, sans exploiter cette réalité-là, mais s'il l'exploite mal, s'il pense que le bleu, c'est du vert, que le petit, c'est du grand. Bon, ça, c'est un problème de sémantique, à la limite. Mais même autre chose, en fait, s'il croit les fake news, tout un tas de choses. À ce moment-là, ça veut dire qu'il n'utilise pas véritablement sa raison. Ça veut dire que sa raison a été subvertie par des émotions, par des caprices, etc. C'est pourquoi que la raison puisse s'égarer, en effet, elle en convient elle-même. Et tout son travail sur la conceptualisation, sur la logique, sur le principe de contradiction, a pour but de préserver la raison de ses propres possibles égarements. Et ça rappelle d'ailleurs ce qu'on appelait à l'âge classique la droite raison. Ça m'a toujours intéressé d'ailleurs que les philosophes classiques disent il n'y a pas que la raison, mais il faut compter surtout avec la droite raison. S'il y a la droite raison, ça veut dire en effet qu'elle peut être ce que j'appelais subvertie par quelque chose. Donc à ce moment-là, on tombe dans des philosophats, dans des systèmes qui s'égarent au dehors de la réalité, ce qu'elle appelle le mysticisme. Signalons que chaque système politique tire son origine de et est fondé sur une théorie éthique, et que l'éthique objectiviste est le fondement moral de ce système politique ou économique qui aujourd'hui est en train d'être détruit partout à travers le monde, faute d'une validation et d'une défense philosophique et morale. Je parle du système politique originel américain, le capitalisme. S'il périt, ce sera par défaut, n'ayant jamais été découvert ni identifié. En effet, aucun sujet n'a été autant occulté par tant de déformations de la vérité, de conceptions erronées et de fausses représentations. Aujourd'hui, peu de gens connaissent ce qu'est le capitalisme, comment il fonctionne et quelle est sa véritable histoire. Quand je dis capitalisme, je parle d'un capitalisme pur, non contrôlé ni réglementé, c'est-à-dire du capitalisme de laisser-faire, fondé sur la séparation de l'État et de l'économique, de la même façon et pour les mêmes raisons que la séparation de l'État et de l'Église. Un système capitaliste pur n'a jamais existé, pas même en Amérique, puisque dès le départ, différents degrés de contrôle gouvernementaux l'ont déformé et dénaturé. Le capitalisme n'est pas le système du passé, c'est le système de l'avenir, si l'humanité doit avoir un avenir. Je pense que c'est un instinct naturel des êtres humains, surtout dans les démocraties occidentales. Nous sommes formés pour être sceptiques et attentifs aux grandes institutions, quelles qu'elles soient. Nous sommes sceptiques à propos de notre gouvernement, toujours aux États-Unis. L'État, les autorités locales. C'est sain, parce que ce sont de grandes et puissantes institutions, la police, l'armée, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur fait pas confiance, ou qu'elles sont mauvaises. C'est juste qu'elles ont beaucoup de pouvoir et de contrôle. Alors on veut les inspecter. Et je pense que si on se penche sur les grandes compagnies de la tech, elles sont devenues assez importantes pour être scrutées. Amazon est devenue une grande entreprise et je m'attends à ce qu'on soit examiné. On doit être scruté. Je pense que toutes les grandes institutions devraient l'être. C'est raisonnable. C'était la voix de Jeff Bezos, donc le PDG d'Amazon, qui a lu Ayn Rand. D'ailleurs, on se demande quelle figure aux États-Unis, quelle grande figure n'a pas lu Ayn Rand, puisque que ce soit Bezos, Trump, mais aussi Hillary Clinton, ils ont tous eu leur moment Ayn Rand. Donc on vient d'entendre en tout cas la voix de Jeff Bezos, qui, on pourrait se dire, est un héritier en fait de la pensée d'Ayn Rand, mais qui quand même, dans cette archive, on l'entend, accepterait d'être scruté par l'État, ce qui, à mon avis, si j'ai bien suivi Ayn Rand, Alain Laurent, elle-même refuserait d'être scrutée par l'État. Et d'ailleurs, on l'a entendu dans le texte juste avant, interprété par François Raison, cet extrait de La Vertu d'égoïsme, elle dit bien qu'il faut qu'il y ait une séparation entre l'État et l'économie. Donc, est-ce que Ayn Rand, véritablement, a hérité, enfin, a donné, naissance à une figure comme Jeff Bezos ? Alors, sur ce plan-là, oui, il est loin d'être le seul. D'autres grands entrepreneurs américains, même Elon Musk a été un lecteur de Ayn Rand, Peter Thiel, tout. Donc, on ne les compte plus sur ce plan-là. Parce qu'ils ont été séduits par quelque chose dont on n'a pas encore parlé jusqu'alors, c'est la dimension prométhéenne d'Ayn Rand. Ah. C'est-à-dire le fait que l'humanité est appelée à de grandes réalisations, que ce sont en effet des esprits indépendants, vigoureux, créatifs, qui peuvent en effet entraîner l'humanité. Ça. Quelque chose qui est frappant d'ailleurs et qui permettra de mieux comprendre ce qu'elle appelle capitalisme à l'époque. Oui. C'est... Dans ces deux grands romans, ceux qui ont été donc lus à des dizaines de millions d'exemplaires, pas seulement aux États-Unis, mais sur toute la planète, ces héros ne sont pas des capitalistes au sens commun du terme. Ce ne sont pas des banquiers. Par exemple, le héros de La Source Vive, c'est un architecte, quelqu'un qui fait, qui sait faire, et quelqu'un qui est jugé sur son efficacité à proposer quelque chose aux autres dont ils ont besoin et avec lesquels il va échanger. Quand on prend Atlas Shrugged, La Grève, le John Galt, le héros, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui vit pauvre d'ailleurs. Dans La Source Vive, à un moment donné, Howard Roark, le héros, on lui propose de devenir riche, mais si il consent à écorner un peu ses principes. Il refuse et il passe plusieurs années de sa vie à casser des cailloux dans des carrières, plutôt pauvre que céder sur les principes. C'est également le cas de John Galt. John Galt est l'inventeur d'un moteur qui doit révolutionner la production d'énergie et sans provoquer de dégâts dans l'environnement, c'est presque de l'écologie avant la lettre. Et quand on lui barre la route, en effet, il prend le maquis, si l'on peut dire, il devient clandestin, plutôt que de céder sur les principes, ce que Ayn Rand appelle l'intégrité. Donc voyez-vous, le capitalisme, dans la perspective d'Ayn Rand, c'est quelque chose qui repose sur ce que j'appelais tout à l'heure la coopération ou l'échange volontaire entre individus productifs. Et cela, l'État n'a pas à s'y mêler de la même manière qu'entre un commerçant et ses clients, etc. Ce qui peut poser problème, c'est qu'en effet, elle écrit ça dans un contexte qui est favorable au développement de la libre entreprise, etc., où il n'y a pas tellement besoin de contrôler le capitalisme. Mais nous voulons la juger actuellement avec... Alors, il y a peut-être une certaine candeur dans le fait que Ayn Rand n'ait pas prévu que ce qu'elle appelle capitalisme à l'époque puisse se développer de façon tout autre qu'elle ne l'envisageait, jusqu'à devenir lui-même intrusif, comme avec les GAFAM, etc. Oui, une sorte de puissance très coercitive. Et de même, elle aurait sans doute été hostile à ce développement du capitalisme qui était le capitalisme financier. Ce ne sont pas des gens qui produisent, ce sont des gens qui surfent sur le travail. Qui spéculent. Et exploitent pratiquement le travail des autres. Encore une fois, par exemple, dans son grand roman, il faut se pencher aussi, avant tout, pour bien la comprendre sur ses romans. Parce qu'ils ont l'intérêt d'illustrer ses idées, c'est vivant, c'est concret, on comprend tout. Les protagonistes de La Grève sont des entrepreneurs. L'une d'elles, elle est la propriétaire par héritage d'une des grandes compagnies de chemin de fer de l'époque. C'est, si l'on peut dire, une cheminote qui adore vivre avec les cheminots de base, à les construire, etc. Elle est à la recherche d'un rail de qualité supérieure. Elle tombe sur quelqu'un qui, en effet, possède une aciérie et ils produisent un métal, ce qu'on appelle le métal dans le roman, le métal uridon, qui a des propriétés tout à fait supérieures à tout ce qui existe. Mais encore une fois, ce sont des gens qui, grâce à leur esprit, grâce à la pénétration qu'ils ont d'une part de la besoin des autres, d'une part, et de la possibilité technique de les satisfaire, en effet, peuvent faire fortune. Et alors, là, on découvre d'ailleurs un autre principe d'Ayn Rand qui s'applique tout à fait à cette situation, c'est ce qu'elle appelle le « earned deserved », le « gagné mérité ». Donc, ce sont des gens qui ont gagné ce qu'ils reçoivent, ils ne l'ont volé à personne, et par conséquent, ils méritent de le conserver. Donc de la même manière, on peut souligner ce gagner mérité, mais on peut aussi souligner le fait que Ayn Rand critique ce qu'elle appelle la culpabilité imméritée. Tout à fait. C'est-à-dire en fait de se sentir victime d'une chose qui en fait ne devrait pas nous toucher, ou inversement de s'approprier quelque chose qui ne nous revient pas. Mm-hmm. Et on peut presque dire, Alain Laurent, que le capitalisme tel qu'elle le défend, tel que je vous écoute, pourrait presque porter le nom de perfectionnisme. C'est-à-dire en fait on capitalise sur son être, on capitalise sur ses capacités, sur ses idées, puisque, comme vous l'avez dit, les héros de Ayn Rand, ce sont des travailleurs qui veulent en fait produire le meilleur, appliquer leurs idées, les rendre concrètes. Finalement, Ayn Rand rend presque le capitalisme extrêmement désirable. Tout à fait, c'était son objectif. Et encore une fois, ce qu'on peut penser, c'est que ce qui s'est passé après elle, faut se souvenir qu'elle écrit tout ça dans les années 40-50, ouais. Donc c'est très éloigné de nous. Donc le capital peut-être mu par quelque chose qu'elle critique par ailleurs, c'était la volonté de puissance sur les autres. Il faut se rappeler du dernier mot de Ayn Rand, je ne demande rien aux autres, et moi-même je vais respecter. Ouais. Donc il y a cette intrusion, alors ça passe en plein actuellement avec les GAFAM qui ont un interventionnisme et une intrusion terrifiante dans la vie des individus. Donc c'est quelque chose, on a presque l'impression que le capitalisme de Ayn Rand, au fond, il s'est retourné contre lui-même, il a échappé à ce qu'étaient ses principes basiques qu'elle a si bien défendus. Le reproche qu'on peut lui faire de ce point de vue-là, c'est peut-être d'avoir été un peu trop candide quant à la suite des événements. Mais elle est loin d'être la seule à s'être trompée sur ce plan-là. Et en même temps, dans le texte qu'on a entendu, extrait de la vertu d'égoïsme, hein, sur l'éthique objectiviste, on a bien entendu quand même que déjà, elle était extrêmement inquiète sur le fait que le capitalisme, soit le système politique américain, était soit en train de se perdre et soit en train d'être menacée. Donc, elle avait quand même vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de se perdre du capitalisme, sauf qu'elle n'avait pas prévu que ça allait être ce capitalisme lui-même qui allait dégénérer, c'est-à-dire non pas être perdu à cause de l'État, mais à cause de ses propres manœuvres. Oui, et de plus, il y a une collusion avec les hautes sphères de l'État. Il y a un autre capitalisme d'État que celui qui régnait en Union soviétique, c'est le fait, de même qu'on a pu parler par exemple du complexe militaro-industriel, il y a eu un complexe capitalisme et étatisme qui a prospéré par la suite. Donc en effet, il n'y a plus du tout ce qu'elle appelait le laisser-faire au sens d'ailleurs des économistes français du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc la pensée de Ayn Rand, juste pour qu'on revienne très rapidement sur l'archive de Jeff Bezos, Alain Laurent, la pensée de Ayn Rand telle qu'elle se développe par rapport au capitalisme, n'a plus vraiment en fait de résonance. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle a, ça s'est perdu, puisque, vous le dites très bien, maintenant, c'est devenu un pouvoir en tant que tel proche de l'État. Il faudrait plutôt dire, je pense, qu'il y a plusieurs capitalismes qui coexistent. Il y a par exemple, les gens dont on parle, les Jeff Bezos, Peter Thiel, etc., ont été de simples artisans. Tout le monde connaît l'histoire parfois magnifiée lorsqu'ils étaient dans leur garage en train de bricoler. Oui, il y a toujours du storytelling. Donc, ils sont partis rigoureusement de rien, sans aucune aide, n'est-ce pas ? Mark Zuckerberg qui était dans sa chambre au Crous. Tout le monde veut être aidé maintenant. Eux sont partis de rien. Ils n'étaient pas forcément de famille riche. Et ça continue à exister aux États-Unis. Et à ce moment-là, ce qui se passe souvent d'ailleurs, c'est que ce genre de start-up, eh bien, on leur propose vite d'être rachetés par des grands groupes. Donc, il y a des propositions bénéfiques et ils y cèdent. Autrement, ce sel du capitalisme entrepreneurial est toujours présent, sauf qu'il se heurte à un capitalisme institutionnel installé qui a de tout autres ambitions. Le racisme est la forme la plus abjecte et la plus brutalement primitive du collectivisme. C'est le fait d'accorder une importance morale, sociale ou politique à la lignée génétique à laquelle un homme appartient et de croire que ses traits intellectuels et caractérologiques sont héréditaires. Ce qui veut dire en pratique qu'un homme doit être jugé non en fonction de son propre caractère et de ses propres actions, mais en fonction de ceux de ses ancêtres. Le racisme prétend que le contenu de l'esprit d'un homme, pas son appareil cognitif, mais son contenu, est héréditaire. Que les convictions, les valeurs et le caractère d'un homme sont déterminés avant sa naissance par des facteurs physiques au-delà de son contrôle. C'est la version préhistorique de l'innéisme, c'est-à-dire de l'innéité de la connaissance, qui a été complètement réfutée par la philosophie et la science. Le racisme est la doctrine des brutes, conçue par et pour elles. C'est une version du collectivisme pour éleveurs de bétail, capable de différencier diverses races d'animaux, mais pas les animaux des hommes. Comme toute forme de déterminisme, le racisme invalide l'attribut spécifique qui distingue l'homme de toutes les autres espèces vivantes, sa faculté rationnelle. Le racisme nie deux aspects de la vie de l'homme, la raison et le choix, ou l'esprit et la moralité, pour y substituer la prédestination chimique. Il n'y a qu'un seul antidote au racisme, la philosophie individualiste et son corollaire politico-économique, le capitalisme de laisser-faire. Quel texte étonnant on vient d'entendre. C'est un texte extrait de La vertu d'égoïsme d'Ayn Rand, chapitre 7, le racisme. Conférence prononcée à l'Université du Wisconsin le 9 février 1961. Dans ce texte, Ayn Rand déploie cet argument inattendu pour critiquer le racisme. Elle critique le racisme au nom de l'égoïsme. C'est-à-dire que le racisme est une forme de collectivisme qui empêcherait à l'individu d'être égoïste comme Ayn Rand le prône. Alain Laurent. Oui, tout à fait. Alors, c'est le moment d'ailleurs de souligner à quel point Ayn Rand, sur le plan de ce qu'on appellera actuellement le sociétal, était une progressiste. Elle était favorable à la liberté de l'avortement. Vous imaginez la tête de tous les conservateurs actuels qui veulent le réduire, on le sait. Elle était donc favorable, elle était opposée à la guerre au Vietnam, parce que ça veut dire que l'État, comme il y avait la conscription aux États-Unis, l'État s'appropriait les droits naturels. En effet, elle le propriétaire de la vie des jeunes hommes qu'il envoyait combattre au Vietnam. Et il y avait également ça, donc son combat antiraciste, avec un argumentaire en effet inhabituel, mais qui est très profond. Qui est assez percutant. Oui, oui. Donc comme c'est une anticollectiviste née, en effet, elle généralise l'application du terme collectivisme à quelque chose, et ça se justifie de la manière suivante, ce qu'elle propose, c'est que lorsqu'il est question de racisme, on ne fait pas du tout attention à l'individu dans sa singularité, mais on le prend comme la partie d'un tout, comme le simple membre passif d'un collectif qu'il n'a pas du tout choisi et qui le déterminerait. Dans le passage qui vient d'être lu, en effet, l'un des termes importants est celui de déterminisme. Donc, du point de vue d'Ayn Rand, chaque individu de quelque race ou religion qu'elle soit, même si elle déteste toutes les religions, eh bien, a sa chance, pourvu qu'il suive ce qu'on a pu appeler tout à l'heure la droite raison. Oui, elle le dit d'ailleurs, hein, sa faculté rationnelle, le racisme nie deux aspects de la vie de l'homme, la raison et le choix, l'esprit et la moralité. On peut s'interroger parce qu'on n'a pas encore vraiment, on ne s'est pas vraiment arrêté encore, Alain Laurent, sur ce terme, sur la notion d'égoïsme, qui est vraiment un terme central dans sa pensée et qu'elle va opposer à l'altruisme. On pourrait, à partir de ce texte, se dire que la critique quand même qu'on fait au racisme, au-delà d'être une construction, d'effectivement de doter toute liberté à l'individu, c'est aussi qu'il nie toute solidarité, toute égalité entre les êtres humains. Or, Ayn Rand ne pourrait jamais invoquer cet argument de l'altruisme, puisque précisément pour elle, c'est comme le collectivisme, hein, c'est le sacrifice de l'individu. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est ce qu'il y a derrière le choix du terme égoïsme. Avant, elle parlait d'individualisme. Et à un moment donné, elle choisit le terme égoïsme, tout en précisant bien, quelque part, que je propose, bon, je traduis ce qu'elle a dit en anglais, je propose un nouveau concept de l'égoïsme. Et il y a différents types d'égoïsme. Ça ne le précise pas. Donc, elle va toujours trop vite. Elle ne s'appesantit pas suffisamment sur tous les tenants aboutissants de ce qui lui permet d'avancer telle ou telle proposition. Il peut y avoir un égoïsme prédateur où les autres ne comptent pas. Ou au contraire, ils sont des moyens de ses propres fins. C'est pas du tout ce à quoi elle pense. L'égoïsme dont je faisais allusion tout à fait au début, c'est le fait de vivre pour soi. L'ego, en fait. Pour son propre accomplissement. Mais, deuxième point, c'est quelque chose qui s'applique à tous les êtres humains. Donc, ce qu'elle propose, c'est qu'il y ait de chercher les moyens d'une coexistence entre individus voulant vivre pour eux-mêmes, ne pas être sacrifiés ou se sacrifier, ou être des moyens au service de la fin des autres, et c'est la rationalité qui permet cette coexistence pacifique, cette libre coopération entre individus égoïstes. Le principal, c'est que un individu égoïste, dans ce sens-là, reconnaisse l'indépendance des autres et leur droit eux-mêmes à être égoïste. Alors, ce qu'elle dit peut-être d'une façon un peu trop éthérée, c'est que pour peu qu'ils suivent la raison, nécessairement, ils parviendront à s'entendre et coopérer. Oui. Ce qui n'est pas du tout prouvé dans la réalité. Ça, c'est un commentaire personnel. Et alors, elle dit à propos de l'altruisme, l'altruisme ne signifie pas la bonté ou la considération pour les autres. L'altruisme est une théorie morale prônant que l'homme se sacrifie pour les autres, qu'il doit faire passer l'intérêt des autres par-dessus le sien, qu'il doit vivre pour le compte des autres. L'altruisme est une notion monstrueuse. Mais alors, je vous pose la question, Alain Laurent. Comment Ayn Rand pense-t-elle la relation aux autres, la bienveillance, la bonté, l'amour? Est-ce que ça existe chez Ayn Rand, puisque à défaut d'être assemblée par un collectif ou un État, comment pense-t-elle en fait le rapport aux autres? Et je ne parle pas de coopération commerciale ou contractuelle. Oui, alors premier point, elle prend l'altruisme strictement au sens que l'inventeur du mot lui a donné, Auguste Comte. Oui. Et pour Auguste Comte, lorsqu'il construit le terme altruisme, c'est pour donner, sur le plan lexical, un terme qui épouse le fait de vivre pour autrui. C'était sa devise. Oui. Donc, en effet, on tombe bien sur ses pieds. Et c'est ça que Ayn Rand critique avant tout. On ne vit pas pour autrui, on vit pour soi. Alors, deuxième point, ça peut englober, certains pourraient dire ça englobe nécessairement, en effet, une relation aux autres. Alors, aussi bien dans son existence que dans les personnages de ses romans, que dans ses propos beaucoup plus abstraits, les autres sont toujours évidemment présents. Donc la perspective, c'est celle d'une coopération fondée sur l'indépendance. Lorsque j'avais présenté l'itinéraire intellectuel d'Ayn Rand, dans le livre que vous rappeliez tout à l'heure, j'avais fait la relation avec le fait de ce que le général de Gaulle proposait dans la relation internationale. Chaque État doit être indépendant, et sur cette base, il coopère avec le maximum d'entre eux. Mais c'est négatif. Vous voyez comme relation, c'est un petit peu négatif, juste on se laisse tranquille. Mais après, il appartient à chacun, en effet, de faire ce qu'il veut, pourvu qu'il ne soit pas le négateur de lui-même. L'amour tient une très grande place, d'ailleurs, dans les deux romans, oui. N'est-ce pas? Mais évidemment, ça repose sur le libre consentement. Il y a un tas de péripéties, mais c'est tout de même quelque chose qui est tout à fait fondé. Donc, pour ce qui concerne, par exemple, l'aide ou le fait de prendre intérêt au sort d'autrui, c'est laissé à la libre appréciation de chacun, pourvu que, en effet, ce ne soit pas de type sacrificiel. Voilà. Et là, chacun est libre, comme chacun est libre d'être homosexuel ou de ne pas l'être. C'est quelqu'un qui a tout à fait admis l'homosexualité. Vous voyez tout de même tout ce qu'elle a aligné, hein, contre la guerre au Vietnam, pour la liberté de l'avortement, favorable à l'homosexualité, et puis tous les autres aspects dont nous avons parlé. Donc c'est quelqu'un qui est très progressé, mais encore une fois, tout cela n'est pas du tout du ressort d'une obligation, c'est encore une fois le libre choix des individus qui est à l'action dans ce domaine. Merci beaucoup Alain Laurent de nous avoir présenté Ayn Rand. Pour poursuivre cette émission, vous pouvez lire Ayn Rand ou la passion de l'égoïsme rationnel, c'est paru aux éditions Les Belles Lettres. Le recueil de textes que vous avez fait Alain Laurent, Une philosophie pour vivre sur la Terre, c'est aussi aux éditions Les Belles Lettres. Merci beaucoup. Merci. Écoutez France Culture et Donna Summer, mais il est l'heure, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi parle-t-on de philosophie analytique? Si vous êtes déjà entré dans un département de philosophie d'une université partout dans le monde, vous allez ou vous avez constaté une distinction qui parfois tourne au conflit universitaire et qui doit être analysée et peut-être dépassée, c'est la distinction entre ce qu'on appelle d'un côté la philosophie analytique et d'un autre côté les philosophies qu'on ne sait pas très bien désigner, à tel point qu'on les désigne parfois par un terme non pas théorique mais géographique. Par exemple, on dit dans le monde anglo-saxon la philosophie continentale, on dit aussi la philosophie française, la French theory, comme si elle s'opposait géographiquement à une philosophie définie théoriquement qui serait la philosophie analytique. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par la philosophie analytique et pourquoi, au fond, toute philosophie ne doit-elle être en effet en partie analytique et en partie aussi peut-être autre chose qu'il faut désigner alors d'un autre nom? On appelle philosophie analytique la philosophie qui considère que notre prétention à un savoir immédiat, à un savoir absolu doit être critiquée par principe parce que la connaissance humaine qui passe par le langage est un mixte de langage qui atteint en effet la vérité, qui atteint le réel, qui est capable de servir de fondement à la science et aussi de confusion, d'imagination ou de mots qui renvoient non pas à un état du monde mais à un état de notre psychisme. Ainsi, il faut procéder à une analyse du langage, c'est-à-dire à une division, ce que veut dire le mot analyse, à une critique et trouver dans notre langage ce qui correspond en effet à un état du monde et ce qui n'y correspond pas. Une critique impitoyable de nos mots comme chez David Hume, déjà au XVIIIe siècle, le terme de causalité était renvoyé d'un côté à des séquences factuelles, mais jamais à une sorte de causalité universelle, cette universalité étant ajoutée par notre imagination et par notre esprit. Au XXe siècle, les philosophes ont critiqué la prétention de certaines métaphysiques à une intuition immédiate, et par exemple chez Henri Bergson, la prétention justement à une philosophie qui dépasserait l'analyse, qui dépasserait le découpage du monde en partie critique pour accéder à une intuition du tout. On peut même penser qu'ils ont repris sa critique de l'analyse pour en faire un éloge, et c'est ainsi que Bertrand Russell a fondé la philosophie analytique. C'est une philosophie rigoureuse qui essaye de critiquer le langage et qui se constitue aussi, non pas comme la philosophie de X ou de Y, mais comme une philosophie collective qui, depuis une centaine d'années, construit les éléments d'une théorie rigoureuse du monde fondée sur la logique, sur la science, et qui complète par une analyse de l'esprit humain et de son propre psychisme. Mais toute philosophie n'est-elle pas alors analytique en ce sens? Y a-t-il une philosophie qui ne commence pas par la critique de nos illusions linguistiques et le fait d'atteindre le réel? Oui, peut-être que la philosophie qu'on dit contraire à la philosophie analytique, c'est juste une philosophie qui découpe un peu différemment le monde, qui prend peut-être plus au sérieux la subjectivité, les valeurs, qui en fait une partie du réel, qui les confronte à cette autre partie du réel qui est atteinte par la science, mais qui, en effet, ne renonce jamais à la vérité. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Thaïs Eloi-Hammer, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec Louise-André et Nicolas Berger à la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, Ludovic Augier. Merci à François Raison. À la lecture des textes, si vous voulez écouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'excellente application Radio France. On se retrouve demain pour la suite et la fin déjà de notre semaine sur les libertariens, et demain on va se demander si la pop culture et libertarienne. On parlera de South Park et d'Iron Man, et ce sera avec Richard Mamto. À demain sur France Culture. Retrouvez dans un beau livre illustré Les Chemins de la Philosophie d'Adèle Van Rett. 25 entretiens avec les plus grands penseurs contemporains pour mieux comprendre notre époque et notre manière de vivre. Un livre France Culture.